Je te retrouve et je découvre à la seconde le bout du monde. Roule sans rouler ma vie à la bière, roule sans rouler ta chance à la mienne. Roule, s'écoule tant de tendresse que je ne cesse de croire en toi. Tu me fredonnes mieux que personne la chanson tendre que j'ai à entendre. Roule sans rouler ma vie à la tienne, roule sans rouler ta chance à la mienne. Coule, s'écoule tant de tendresse que je ne cesse de croire en toi. Chance à la prière, coule cette coule tant de tendresse que je ne cesse de croire en toi. Roule sans roule ma vie à la prière, roule sans roule ma chance à la prière, coule cette coule tant de tendresse que je ne cesse de croire en toi. La